pour le théâtre Floridor et pour le couvent Célestin. Et ma pléguée, c'est Floridor. Gravé des veaux, c'est Célestin. Quand on rencontre Floridor, quand on rencontre Célestin, on ne sait pas si Floridor est Floridor ou Célestin. Car Célestin, c'est Floridor, et Floridor, c'est Célestin. Toutefois, l'heureux Floridor diffère un peu de Célestin. Il a des femmes, hein, Floridor. C'est ce qui manque à Célestin. Mais des amours de Floridor, on voit profiter Célestin. Quand Corinne aima Floridor, qui fut heureux. C'est Célestin. Car Célestin, c'est Floridor. Et Floridor, c'est Célestin.